le compatriote de Copernic, avec son système planétaire en carton, astronome ambulant dont on avait payé la séance par un repas au réfectoire. Puis, une terrible ribote en promenade, leur première pipe fumée, les distributions des prix, la joie des vacances. C'était pendant celle de 1837 qu'ils avaient été chez la Turque. On appelait ainsi une femme qui se nommait de son vrai nom Zoraïde Turc, et beaucoup de personnes la croyaient une musulmane, une Turque, ce qui ajoutait à la poésie de son établissement, situé au bord de l'eau, derrière le rempart. Même en plein été, il y avait de l'ombre autour de sa maison. Reconnaissable, un bocal de poisson rouge près d'un pot de résida sur une fenêtre. Des demoiselles, en camisole blanche, avec du fard aux pommettes et de longues boucles d'oreilles, frappaient au carreau quand on passait, et le soir, sur le pas de la porte, chantonnaient doucement d'une voix rauque. Ce lieu de perdition projetait dans tout l'arrondissement un éclat fantastique. On le désignait par des périphrases. L'endroit que vous savez. Une certaine rue. Au bas des ponts. Les fermières des alentours en tremblaient pour leurs maris. Les bourgeoises le redoutaient pour leurs bonnes, parce que la cuisinière de monsieur le sous-préfet y avait été surprise. Et c'était, bien entendu, l'obsession secrète de tous les adolescents. Or, un dimanche, pendant qu'on était au vêpres, Frédéric et Deslauriers, s'étant fait préalablement friser, cueillirent des fleurs dans le jardin de Madame Moreau, puis sortirent par la porte des champs et, après un grand détour dans les vignes, revinrent par la pêcherie et se glissèrent chez la Turque en tenant toujours leur gros bouquet. Frédéric présenta le sien, comme un amoureux à sa fiancée. Mais la chaleur qu'il faisait, l'appréhension de l'inconnu, une espèce de remords et jusqu'au plaisir de voir d'un seul coup d'œil tant de femmes à sa disposition, l'émurent tellement qu'il devint très pâle et restait sans avancer, sans rien dire. Toutes riaient, joyeuses de son embarras. Croyant qu'on s'en moquait, il s'enfuit. Et comme Frédéric avait l'argent, Deslauriers fut bien obligé de le suivre. On les vit sortir. Cela fit une histoire qui n'était pas oubliée 3 ans après. Ils se la contèrent prolixement, chacun complétant les souvenirs de l'autre. Et quand ils eurent fini, « C'est là ce que nous avons eu de meilleur, » dit Frédéric. « Oui, peut-être bien. » « C'est là ce que nous avons eu de meilleur, » dit Deslauriers. C'est ainsi que se termine l'éducation sentimentale de Gustave Flaubert.